Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce sont les hasards de la programmation confrontés à l'actualité. Dans le cours de l'histoire, nous avions décidé, avec Anaïs Quien, de parler du dernier numéro de la revue L'Histoire, intitulé « Après la chute du mur, la sortie du communisme, vaste sujet ». Nous voulions également évoquer une décision qu'a prise la Cour suprême espagnole cette semaine. Elle autorise l'exhumation du dictateur Franco, qui devra quitter son mausolée de la vallée de los Caídos, une décision importante dans la mémoire du franquisme. Et puis nous avons appris le décès de Jacques Chirac. De facto, ce décès d'un ancien président ne change rien à notre quotidien. Mais il provoque une vive et légitime émotion, une émotion populaire. Comment appréhender cette émotion? La mort d'un homme est toujours un triste événement, mais avec la disparition d'une figure comme Jacques Chirac, ce sont nos souvenirs qui sont mobilisés, ceux de notre jeunesse, au moins d'un autre temps. C'est notre passé qui surgit soudain. Alors oui, nous allons parler de Franco. Oui, nous allons parler de Chirac. Ce sont les hasards de la programmation confrontés à l'actualité. Ce matin, dans le cours de l'histoire, il y a une inhumation et une exhumation. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'est posé la question « Que faire de nos vieux ?» Ce fut un voyage en gérontophilie. Ah oui, on les aime bien, nos vieux. À réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou en podcast. Mais aujourd'hui, vendredi, deux actualités. Le décès de Jacques Chirac, comment appréhender cette émotion populaire. Et puis l'exhumation de Franco qui vient d'être autorisée par la Cour suprême espagnole. Mais pour parler de Jacques Chirac et surtout de l'émotion que provoque cette disparition, il y a avec nous ce matin Valérie Hanin, directrice de la revue L'Histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Vous avez déjà sorti plein de numéros de l'Histoire consacrés à Jacques Chirac par le passé. Déjà deux. Et nous nous apprêtons à en sortir un dans l'urgence, mardi matin sans doute. Mardi matin. Pascal Horry est avec nous aussi. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier Mauduit. Professeur émérite à la Sorbonne, qui va pouvoir nous dire en histoire culturelle ce que représente la mort d'un personnage comme Jacques Chirac. Ça parle de nous sur le temps long en fait maintenant quand on regarde Chirac. Il est là depuis bien longtemps. Oui, après d'autres et avant d'autres, Chirac, c'est la France. Et donc, la mémoire nationale nous dit beaucoup de choses sur la nation, oui. Et avec nous également, Serge Bernstein. Bonjour. Bonjour. Professeur émérite. Oh, Bernstein, un nom pour tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire politique. Et évidemment, il fallait votre regard, le regard d'un historien du politique, pour comprendre cette figure de Chirac, cette figure qui a marqué la politique française, qui a marqué les droites sur plusieurs décennies. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Oui, Anaïs Quien qui assure la programmation de cette émission et qui viendra avec sous le bras son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous retournons en 1981. Oui, 1981 pour une campagne électorale qui s'annonçait musicale. Oh là là, campagne électorale de 1981, la France a besoin d'un homme de courage. Jacques Chirac s'inscrit-il dans cette figure du sauveur, tant attendue par les Français? C'est vrai, hein, ce mythe du sauveur, le sauveur 13e République, Serge Bernstein. Vous le voyez, Chirac, dans la posture du sauveur? Pas du tout. C'est un homme politique qui a derrière lui un début de carrière fracassant, puisqu'il est devenu premier ministre extrêmement jeune, que très rapidement Il s'est affirmé comme le chef du principal parti de droite de la majorité et que, de surcroît, comme Premier ministre, il a joué le rôle d'un président bis, ce qui n'est pas du tout dans la tradition créée par le général de Gaulle. Par conséquent, un personnage un peu fracassant, qui représente un peu la volonté de gagner les premiers rangs, qui l'a déjà fait et qui, par conséquent, a devant lui, apparemment en tout cas, un avenir considérable. Donc, un personnage un peu hors du commun. Il n'a pas la grande stature du général de Gaulle, il n'a pas l'habileté et le sens politique de Georges Pompidou. En revanche, c'est quelqu'un qui parle fort, qui par conséquent entraîne les foules et qui apparaît comme un chef de parti. Il faut rappeler que peu après sa nomination comme Premier ministre, il a pris d'assaut le parti gaulliste de l'époque, l'Union pour la Défense de la République, l'UDR, au nez et à la barbe de la plupart de ses dirigeants, et par conséquent, il s'est installé au premier rang. Donc, il frappe en même temps, il suscite des haines farouches. Il a écarté une grande partie de l'entourage du général de Gaulle, les barons du gaullisme, ceux qui, depuis les origines, depuis 1958, avaient constitué les piliers du pouvoir gaulliste. Il s'est emparé de tout cela, et le problème est de savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est sans doute ça la figure de Jacques Chirac que l'on retrouve sans cesse en lisant les journaux. Il y a un vocabulaire, un champ lexical autour du destin, du phénix, du mystère, du paradoxe. On retrouve toujours cette idée-là. Pascal Horry, est-ce que vous pensez que cet aspect de Jacques Chirac fait qu'il y a encore cette fascination qui explique l'émotion populaire à l'annonce de son décès? Je pense, Xavier Mauduit, que votre approche de ce matin est très pertinente parce que ce qui me paraît le plus frappant aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, mais je ne pense pas que ça sera fondamentalement modifié, c'est le contraste entre une première image et une deuxième image. Vous avez l'image du Chirac des années 70 que Serge Bersten vient évidemment d'évoquer, c'est tout à fait juste. J'ai commencé par une anecdote qui concerne la bande dessinée. Les amateurs de bande dessinée ont entendu parler de la série Astérix. Un des derniers albums dont René Goscinny soit le scénariste s'appelle Obélix et compagnie. Et le personnage principal, c'est Jacques Chirac. C'est Caius Saugrenus, qui est caricaturé comme Jacques Chirac, et ça sort en 1976. Donc c'est tout à fait raccord avec le moment où Jacques Chirac prend une dimension nationale en étant le Premier ministre de la France. Et ce Caius Saugrenus, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de corrompre, incitation et en même temps convaincant Jules César, le village gaullois. C'est-à-dire que c'est une vision gaulliste de Goscinny, consistant à dire quand même, Chirac, c'est un énarque. Alors, à l'époque, il sort, l'époque romaine, il sort de la nouvelle école des affranchis. C'est un néarque. Mais c'est vraiment Jacques Chirac. Tout le monde l'a reconnu. C'est même la seule fois que Goscinny ose mettre en scène un personnage de l'histoire contemporaine. Donc, c'est l'image de l'ambitieux. La métaphore, la comparaison avec Rastignac a été souvent faite. Elle a été souvent faite avec François Mitterrand, hein, Rastignac. Bon. Donc, l'ambitieux, les dents qui rayent, etc. Et puis aujourd'hui, qui a commencé dans les années 90, sans doute, penser à la marionnette des guignols de l'info. Je ne vais pas attribuer aux médias une si grande puissance, mais ça compte quand même. Il devient franchouillard, sympathique, par rapport à Giscard d'Estaing, plutôt antipathique, et considéré comme un sénile, hein, le monsieur te demande, etc. Et au total, incontestablement, l'émotion d'aujourd'hui, elle s'adresse à ce Chirac-là. C'est un peu nous, Chirac. Ce qu'il a posé comme acte, bon, on va sans doute l'expertiser, il y a quelques actes forts. Ce n'est sans doute pas quand même un grand président de la République, en ce sens qu'il aurait vraiment modifié le sens de l'histoire, y compris l'histoire française. On peut même dire qu'il a suivi le sens de l'histoire, mais au fond, peut-être que les Français attendaient ça. Oui, peut-être que les Français attendaient tout simplement ça. Avec ce personnage de Chirac, Pascal Horry, vous soulignez cette double figure, c'est vrai, celle du conquérant et celle du bon président qui se présente un peu comme père de la nation, c'est un peu ça, c'est le président gâteau. Et ce mystère, cette intrigue autour de Jacques Chirac, vous, Valérie Hanin, vous le retrouvez dans la revue L'Histoire, vous l'avez souligné aussi sur la notion d'énigme. Oui, c'est-à-dire que ça a beaucoup évolué. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Pascal Horry, évidemment. Ce rapport à Chirac qui a tellement évolué. Alors nous, à l'histoire, on l'a vécu, je dirais directement, puisque on a publié, vous le rappeliez tout à l'heure, un dossier en 2006. En 2006, d'ailleurs, ça avait posé problème. Hein. Il était encore en fonction. On avait beaucoup discuté. Enfin, problème chez nous. On avait beaucoup discuté. C'était au moment où Chirac était au plus bas dans les sondages, ce que rappelle Jean-Luc Parodi dans le dossier. Et on avait intitulé ça l'énigme Chirac. Et c'était, et au fond, c'était un dossier assez sévère qui posait tous les problèmes d'histoire immédiate, qui était plus un dossier d'historien mémorialiste que archiviste. Et pour cause, on avait un président encore en fonction. Et 10 ans plus tard, on a éprouvé le besoin. Alors, Chirac n'était plus en fonction, il était vieux, il était très malade. On lui a consacré un hors-série. Et là, ça s'appelle « Le cas Chirac ». Et on le republiera largement dans le numéro qui va paraître mardi, mais actualisé, bien sûr, mis à jour. Et donc, là, c'est frappant de voir comme le bilan, comme l'image a complètement changé. Et le bilan est en demi-teinte et on insiste beaucoup bien sûr sur la politique étrangère avec Maurice Weiss et bien sûr la guerre d'Irak, le moment, mais Annette Wieviorka et le fameux discours de 95 sur les responsabilités de la France dans l'extermination des Juifs, mais le Quai Branly, mais la culture, mais etc. Et l'image a complètement basculé. L'image a complètement basculé de Jacques Chirac avec, vous l'évoquiez Pascal Horry, en 1976 Obélix et compagnie où Jacques Chirac apparaît, ce côté franchouillard, ce côté grognon de Jacques Chirac, justement en 1976 on le trouvait quand il démissionne de sa fonction de Premier ministre. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie. En 1976, un Jacques Chirac très sévère, filmé à la télévision, il est assis à son bureau droit, les sourcils froncés, et il annonce sa démission, il ne veut plus être le premier ministre du président Valéry Giscard d'Estaing. Serge Bernstein, cette décision de 76, c'est quelque chose d'inédit, hein, ce départ d'un premier ministre, c'est ça aussi la figure de Chirac. Il intéresse pour ça, pour sa capacité à changer littéralement. Alors, est-ce qu'il faut parler d'opportunisme, de coup politique ou d'honnêteté, parce qu'il dit ne plus pouvoir mener sa politique. Comment vous analysez, vous qui connaissez parfaitement la vie politique et notamment l'agencement des droites, la posture de Chirac, comment il a recomposé les droites dans ces années 1970? Alors, c'est la déclaration de Jacques Chirac annonçant sa démission, accusant au fond le président de ne pas lui donner les moyens d'appliquer la politique suivie. C'est une sorte de coup d'État légal à l'intérieur de la pratique républicaine de la Ve République. Il est clair, le général de Gaulle ayant créé une tradition qui n'existe pas dans le texte constitutionnel, à savoir que le président de la République nomme le Premier ministre, mais l'usage veut que le président de la République demande au Premier ministre sa démission lorsqu'il estime que celui-ci est usé et qu'il faut changer de visage. Or, Jacques Chirac prend une initiative sans en avoir véritablement... Il a prévenu le président de la République, mais il insiste sur le fait qu'on ne lui a rien demandé, que c'est lui qui prend cette décision. Et alors, ça pose un problème constitutionnel grave, mais qui montre aussi une des faiblesses de la Constitution. c'est que la limite des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre n'est pas du tout fixée par le texte constitutionnel. En gros, ils ont les mêmes prérogatives. Mais l'usage veut que ce soit le président qui donne la direction et le Premier ministre qui exécute. Or, ça n'est pas du tout ce que veut Jacques Chirac. Sur bien des points, il s'est opposé au président Valéry Giscard d'Estaing. Par exemple, il trouve celui-ci excessivement libéral et à propos de la télévision, il a défendu le fait que l'État devait rester le maître des chaînes de télévision au moment où on parle d'en créer une nouvelle. Sur le plan économique, il juge que Valéry Giscard d'Estaing est infiniment trop libéral, avant d'ailleurs, entre parenthèses, de devenir très libéral lui-même quelques années plus tard, et par conséquent, en quelque sorte, il défie le président de la République, ce qui est, l'impossible dans une cinquième République telle que l'a créée le général de Gaulle. C'est fort ce que vous dites, Serge Bernstein, parce que nous voyons un Jacques Chirac qui se revendique du gaullisme et qui, quelque part, n'utilise pas les institutions du gaullisme. Mais on pourrait aller plus loin. C'est vrai qu'il a été Premier ministre d'un président François Mitterrand, lors de la cohabitation, où là aussi nous ne sommes pas dans la nature même du gaullisme. C'est compliqué en fait, cet homme qui se revendique du gaullisme et qui n'est pas en fait complètement gaulliste. Pascal Horry, Jacques Chirac, c'est un gaulliste ou c'est un opportuniste? J'utilise un mot fort, mais en politique, peut-être que l'opportunisme est une vertu. C'est sans doute un chiracien. Non mais je veux dire par là qu'en 1974... On va très loin, il y a des précédents, il y aura des suivants dans l'histoire politique même du monde, mais enfin c'est quand même assez exceptionnel. Il y a un candidat officiel gaulliste qui s'appelle Jacques Chaban-Delmas, et il fait dissidence. Et c'est ça qui d'ailleurs détermine son destin national. Jusque-là, bon, c'est un bébé Pompidou, il a été ministre très souvent depuis 1967, même de façon continue, mais ça ne suffit pas. Et là, il émerge. Et c'est vrai que, comme le disait très justement Serge Bernstein, c'est un gaulliste, avec certaines continuités, le rôle de l'État, l'indépendance nationale, l'Irak en 2003, etc., c'est dans cette continuité, l'appel de Cochin en 78 contre le parti de l'étranger, sous-entendu le parti de Giscard, quand même, l'UDF. Bon, c'est tout à fait gaulliste. Et en même temps, c'est l'homme qui va supprimer le service militaire, c'est quand même celui qui engage sa responsabilité dans un référendum qui ne plaît pas à beaucoup de vrais vieux ou plus jeunes gaullistes en 2005, etc. Donc, il y a quantité d'actes qui ne sont pas très gaullistes. En revanche, il y a une façon très chiraquienne de prendre et de laisser. Alors, faut-il aller jusqu'à opportunisme? En tout cas, c'est quelqu'un qui, de façon assez martiale, on vient de l'entendre, il y a un ton martial, surtout pratiquement de toute la période de Chirac, y compris président, mais parfois pour annoncer des mesures assez souples et libérales et pragmatiques. Valérie Hanin, effectivement, vous avez fait, vous, en tant que directrice de la rédaction de la revue L'Histoire, plusieurs dossiers sur Chirac. Chirac est intéressant à raconter à cause de tous ces paradoxes. C'est que c'est un destin, ce sont des choix, et des choix qui représentent des ruptures. C'est plus intéressant de raconter les ruptures que de raconter parfois une douce Absolument. Continuité. Il y a quelque chose à raconter Absolument. Avec Jacques Chirac. Il y a beaucoup de choses à raconter, et il y en aura encore beaucoup d'autres, parce que ce qui va se passer aussi maintenant, c'est un accès aux archives, hein, puisque il y a quand même beaucoup d'archives qui ne sont pas encore accessibles. Je crois, on me disait qu'il y a 500 mètres d'archives de la présidence, 500 mètres linéaires qui sont sous protocole encore et auxquels peut-être quelques-uns, dont Jean-Luc Barré qui a écrit les mémoires, ont accédé, mais évidemment, il y a beaucoup de choses, et notamment les archives privées, dont pour l'instant on ne sait rien, parce que Jacques Chirac, et ça c'est aussi peut-être dans le droit fil de ce que vous étiez en train de dire tous les deux, n'a pas tellement pensé à l'après, à la trace qu'il allait laisser dans l'histoire, ou en tout cas il l'a bien caché s'il y a pensé, parce que ça n'était peut-être pas sa principale préoccupation, contrairement à Mitterrand par exemple, pour qui c'est très important Giscard d'Estaing et sa loi sur les archives. Et là au fond on a un musée, on a une fondation pour les handicapés, enfin pour l'enfance handicapée, mais au fond les archives, eh bien on ne sait pas ce qu'il en est, les archives privées, et ça c'est quand même une originalité aussi, ce qui fait qu'il y aura encore beaucoup de choses à raconter, Xavier Modu. Et le contraste est là avec l'omniprésence de Chirac, parce que nous n'avons pas les archives privées. En revanche, nous avons toutes les autres archives. Chirac a évolué à un moment où tout est filmé, tout est photographié. Alors voilà. On a tout là. On peut dire beaucoup de choses, les archives papier évidemment, mais toutes ces archives photographiques qui sont absolument magnifiques. Serge Bernstein. Oui, sur les évolutions, je pense, de Chirac, il faut rappeler quand même une chose. Voilà quelqu'un qui occupe pendant 3 décennies les premiers rangs de la vie politique. En 3 décennies, les problématiques changent. Et par voie de conséquence, l'un des rôles d'un chef politique, c'est aussi de s'adapter au monde qui est en train d'évoluer, dans lequel il vit. C'est un problème permanent qui vaut pour tous. Et on peut dire que Chirac, je crois, a beaucoup appris de multiples expériences du pouvoir et qu'il les a en quelque sorte réinvesties dans la doctrine qu'il donne au parti, au pluriel, qu'il dirige. Par conséquent, une évolution dont on peut penser qu'elle trahit les bases de ce qu'a été le gaullisme du général de Gaulle, mais à une époque qui n'est plus, qui est de moins en moins celle où a vécu le général de Gaulle. L'essentiel, c'est toujours de contextualiser. Vous avez raison, Serge Bernstein. Pascal Horry, vous vouliez dire quelque chose? Il y a quantité de dossiers, petits, moyens ou grands, sur lesquels Jacques Chirac a évolué. Et ça a d'ailleurs contribué au développement de la nouvelle image. C'est-à-dire, au fond, c'est un homme affable, sympathique, qui comprend, n'est pas muré. Parce qu'il y avait quand même la caricature initiale du jeune loup, hein, le jeune loup de la Corrèze, etc. Prenez le Grand Louvre. Il est maire de Paris. Je ne sais pas si on aura le temps de parler. 18 ans, maire de Paris. Premier maire de Paris depuis la Révolution française. Il a été convaincu, très honnêtement, par le projet de Biasini, qui était pourtant soutenu par François Mitterrand. Et pendant ce temps-là, François Mitterrand et lui avaient échoué à créer cette fameuse exposition universelle pour le bicentenaire. Donc ça, il a évolué. Sur la loi Veil, parce qu'on peut dire il est le premier ministre de la loi Veil, c'est quand même important, mais il faut pas oublier que quand il y a vote de la reconduction, on en parle très peu de ça, la reconduction de la loi Veil en 1980, il vote contre, parce qu'il n'est plus premier ministre. Mais en même temps, clairement, il a évolué sur l'avortement, etc., etc. Ben, nous allons continuer à réfléchir, parce que c'est vraiment au cœur de cette question, pourquoi l'émotion populaire et tous ces éléments de réponse sur la personnalité complexe de Jacques Chirac permettent d'appréhender un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Et puis, même chez les gens, au quotidien, on parle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, pourquoi une telle émotion populaire? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans Le Monde, Béatrice Guret a publié un article intitulé « Jacques Chirac, l'ambition d'une vie » et elle pose cette question: comment survivre à toutes les modes, aux contradictions les plus inouïes, sans un incontestable panache? Oui, il y a aussi cette question du panache et c'est la chose qui est complexe avec Jacques Chirac. On connaît sa lutte contre le Front National, contre les extrêmes, là-dessus il n'y a pas de problème. Et pourtant, parfois, Jacques Chirac s'est pris les pieds dans le tapis. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mots, mon compas, la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant, ami, j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis, je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du beau. Zebda, le bruit et l'odeur en 1991, cette citation de Jacques Chirac avait beaucoup fait parler. Le bruit et l'odeur, Pascal Horry. Aïe, c'est difficile ça, venant d'un homme qui, et je pense que c'est authentique, était contre les extrêmes. Comment on explique une telle phrase? Peut-être une stratégie politique visant d'abord les élections législatives de 93 et ensuite les présidentielles de 95. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'un Jacques Chirac qui a réussi à se faire élire président, ce qui change complètement la perspective. Or, au fond, l'écart avec Balladur est incontestable, oui. Mais pas énorme. Balladur fait 18% dans mes souvenirs, et lui 20%. Il s'en est fallu peu qu'on ne parle vraiment pas dans les mêmes termes aujourd'hui de Chirac qui aurait été dans un échec complet. Donc je pense que là, il y a une volonté de reprendre la main sur un électorat qui allait vers le Front National. C'est de la pure stratégie, voire de la tactique. Serge Berstein, vous êtes d'accord sur cette stratégie, oui, cette tactique? Oui, je pense aussi qu'il s'agit d'une stratégie parce que c'est quand même le moment où va se jouer la nouvelle élection présidentielle. Par conséquent, il faut rassembler des voix et Jacques Chirac va donner des gages aux uns et aux autres. Il faut rappeler que cette campagne, qui apparemment est très à droite sur le plan de l'immigration, est très à gauche sur le plan économique et social, puisque c'est le moment où, contre Balladur, qu'il accuse précisément d'être un conservateur, il entend défendre les classes populaires, et il a parlé de la fracture sociale, hein, ce sont les élections de la fracture sociale. Donc, il va gagner des voix, et à droite et à gauche, en fonction de ces deux éléments. C'est assez largement stratégique, en tout cas, sur le plan social, il est clair qu'il ne sera pas plus tôt arrivé au pouvoir que son premier ministre Alain Juppé prendra strictement le contre-pied des promesses qu'il avait faites lors de la campagne électorale. Donc, je crois, des propos de campagne. Et la rue s'en souvient, hein. Et la rue s'en souvient. Ça, il y a eu beaucoup de monde, Pascal Horry. La phrase dont on vient d'entendre un extrait est très intéressante, parce que je ne l'avais pas réécoutée quasiment depuis 91. C'est une phrase qui est typiquement populiste, parce que ça consiste à s'adresser aux classes populaires. Hein. Oui, oui. Vous voyez, les classes populaires sont les premières victimes de l'immigration. Donc c'est un discours qu'on entend très très bien et qu'on comprend très bien en 2019. Hein. Avec depuis également Serge Berstein, voilà. Et depuis également, mais c'est vrai qu'il y a toujours des constantes. Et là, pour le populisme, on voit plutôt surgir des choses aujourd'hui, mais qui existaient déjà par le passé. Et puis pour le décès de Jacques Chirac, toujours dans la manière d'appréhender cette émotion que provoque l'annonce de la disparition de notre ancien président, il y a un rapport compliqué. Celui des affaires, on est dans l'éloge de l'homme et du héros et on n'évoque pas les affaires alors que les affaires ponctuaient les actualités et même les émissions humoristiques, exemple avec les guignols. Je débarquais de la Corrèze paumée, alors faut pas me faire chier. Les dossiers, j'en ai, ben, ils vont sauter. 2002, je vais te niquer, je vais me présenter. On m'appelle Chirac, dit l'esquive. Vous me reconnaissez? Bah oui. Pas grave, grosse bourgeoise friquée, dégaine de vieille mémé, sac à main de vieille mémé, jambes de vieille mémé, je vais te mettre à l'aise. Les voyages, c'est nous. Les sbrouffailles, c'est nous. La choura, c'est nous. Les pigeons, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, ceux qui paient, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. À la justice, nous on préfère le pèse. Coup de gyrophare, on est coursé par 36 jeux. Les voyages, c'est nous. Les stroufages, c'est nous. La choura, c'est nous. Les pigeons, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, c'est nous. Ceux qui payent, c'est vous. Centrale, ici Chirac et Bernadette. À la justice, nous on préfère le pèse. On retient souvent manger des pommes, j'aime les pommes, popularisé par les guignols de l'info, et vraiment qui a rendu Chirac très sympathique. Mais les guignols de l'info sur Canal+ étaient aussi capables de coups de griffe. Ces coups de griffe, c'est ça, hein, ce sont les affaires. Chirac et les affaires, c'est vraiment aussi une image sombre de la vie politique. Et pourtant, on le retient pas plus que ça. C'est vrai que Chirac, homme populaire, ne reste pas comme un homme d'affaires, si de temps en temps on évoque le premier président de la République mis en examen. Et condamné. Condamné. Et condamné, oui. Sauf erreur, 2 ans de prison avec sursis, avec sursis. Par un tribunal correctionnel. Mais en même temps, ça intervient à un moment où on lui pardonne tout, d'une certaine façon. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que certains Français se reconnaissent en lui, y compris dans sa partie sombre. Hein. Mais voilà, il est un peu comme nous. Et après tout, regardez ce qui se passe actuellement avec M. Balkany. je veux dire, M. Balkany serait sans doute réélu l'année prochaine dans sa bonne ville de Levallois. Oui, donc c'est... voilà, y a, ça se situe à un autre niveau. Serge Berstein. Je crois que l'opinion publique, au fond, attache peu d'importance à ce type de condamnation qui lui échappe très largement. Des emplois fictifs, puisque c'est l'origine de sa condamnation, on ne voit pas très bien ce que c'est, des gens qui travaillaient avec vous, qu'on a utilisés pour autre chose, que je suis absolument convaincu que ça glisse sur l'opinion publique sans aucun problème. Alors, s'il y avait des actes plus graves, il en irait sans doute autrement. Mais dans le cas de Chirac, ça paraît tellement lointain et dans le temps et au fond dans les préoccupations des Français qu'il ne me semble pas que ça joue beaucoup. Parce en tout cas, ça n'a pas joué sur la popularité de Jacques Chirac. Voilà, sa popularité là, oui, Pascal Horry. Fred Bush, considérable, et emploi fictif, c'était une pratique de génération aussi, et des générations précédentes. Donc, effectivement, c'est aujourd'hui, c'est notre regard d'aujourd'hui, je dirais un peu protestant, qui consiste à dire que ça c'est insupportable. Mais franchement, il ne faisait pas exception. Il ne faisait pas exception, et puis il faut dire que, malgré tout, dans sa politique, Jacques Chirac a eu des actions qui ont des conséquences beaucoup plus fortes, et notamment le fait qu'il ait regardé le monde arabe d'une autre manière. Et c'est vrai que la politique arabe de Jacques Chirac a beaucoup plus d'incidence. Et ce qui peut expliquer sa popularité, nous parlons de la popularité en France, mais d'une popularité dans tout le monde arabe qui a donné à la France une autre image. Et c'est sans doute ça qui reste plus que les affaires, comme vous le disiez Pascal Horry, de Fred Bush, qui était une pratique usuelle et qui l'est sans doute encore, vu qu'on en entend parler de temps en temps jusqu'à l'Assemblée nationale. Mais la vraie question, c'est pourquoi on en entend parler à certains moments, pas d'autres. Mais sur la popularité dans le monde arabe, c'est la continuité du général de Gaulle sur ce plan. Donc là, il est plus gaulliste en politique extérieure, avec quand même des exceptions. On parlait tout à l'heure de l'Europe, mais enfin, il est plus gaulliste que peut-être sur le plan de la politique intérieure. Oui, il suit au fond ce qu'a fait de Gaulle au moment de la guerre des Six Jours, etc. C'est-à-dire une condamnation de... l'impérialisme, si on peut dire, israélien au Proche-Orient. Donc, c'est effectivement un peu la même politique, c'est-à-dire le fait que le monde arabe, c'est quelque chose d'extraordinairement étendu, avec lesquels des tas de liens économiques sont possibles. Israël, ça représente moralement quelque chose d'important, mais pas d'essentiel par rapport à ce que représente le monde arabe. Au fond, c'est le raisonnement du général de Gaulle. Sur ce point-là, il le reprendra. Alors, donc, en kiosque en ce moment, la revue L'Histoire, le numéro après la chute du mur, la sortie du communisme, mais Valérie Hanin, bientôt donc un numéro sur Jacques Chirac. Mardi. Mardi, donc, qu'il a fallu construire en urgence. Qu'il a fallu construire, compléter en urgence, en effet, ce que nous faisons pour mardi, et qui s'appellera La vie d'un chef. La vie d'un chef. Eh bien, écoutez, c'est le hasard... C'est un peu l'enfance d'un chef. Voilà. C'est autre chose. C'est le hasard de la programmation, c'est le hasard de l'actualité, mais Jacques Chirac va rencontrer une autre décision, c'est l'exhumation de Franco. Disons que ce sont nos héros, au sens des personnes de qui l'on parle aujourd'hui, les personnes de qui l'on parle aujourd'hui, les héros, mais là c'est avec David Bowie. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Drink all David Bowie, Heroes, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Et nous continuons à évoquer les actualités de la semaine avec une décision de la Cour suprême espagnole qui autorise l'exhumation de Franco. Le dictateur Franco va quitter son mausolée de la vallée de Los Caídos et il va devoir trouver une place. Et ça, ce n'est pas simple. On va en parler avec vous, Charlotte Worms. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous travaillez sur ces questions-là, la question de l'Espagne dans le monde contemporain. Cette question espagnole de l'exhumation de Franco, c'est un débat hein, dans la presse sans cesse. On le croise toujours dès qu'on regarde la presse espagnole. Depuis combien de temps? Parce que c'était pas le cas. Franco meurt en 1975. Ça surgit à quel moment? Alors ça surgit au moment où surgissent en gros les mouvements mémoriels qui réclament une réparation, la réparation des victimes de la guerre civile et du franquisme, enfin des victimes côté républicain de la guerre civile et du franquisme, et plus généralement une rupture symbolique avec la dictature. Voilà. Voilà, donc on est dans les années 90. À la fin des années 90, et précisément la question du déplacement de l'exhumation de la dépouille de Franco va arriver sur le devant de la scène, notamment avec au moment de la loi mémorielle de 2007 qui est un premier pas dans ce rééquilibrage des mémoires et qui va poser la question du sort de ce monument pharaonique, en fait, gigantesque et spectaculaire, dans lequel est enterrée, où se trouve la dépouille de Franco. Oui, rappelons hein, les faits. 1936, guerre civile espagnole, Franco arrive au pouvoir. Il y reste jusqu'en 1975, jusqu'à sa mort. Rappel des faits avec un bricolage sonore et magique de Perret Legras, qui s'est plongé dans les archives. Los hombres más heroicos del mundo. Los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. ¡Muy bien! Il n'est plus permis maintenant d'avoir la moindre illusion sur le sort de la République espagnole. Dans quelques jours ou dans quelques heures, Madrid et Valence tomberont au pouvoir de Franco. Le gouvernement français a décidé ce matin de rompre les relations économiques avec Franco. 11 ans après son coup de force contre la République, Franco appelle les Espagnols à se prononcer dimanche par un plébiscite sur la forme du régime qu'ils entendent donner à leur pays. Pour célébrer le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile, le général Franco, au début de ce mois, inaugurera en grande solennité le mausolée de la Vallée des Morts. El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. Es general la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de la máxima libertad compatible con el orden. Le gouvernement espagnol a gagné son pari, celui de faire descendre les madrilènes dans la rue pour protester contre les manifestations antifranquistes qui ont suivi un peu partout dans le monde les 5 exécutions de samedi matin. La télévision espagnole cite ce soir le chiffre d'un million de madrilènes dans les rues pour acclamer Franco. Il faut dire que l'Espagne célébrait aujourd'hui le 39e anniversaire du pouvoir du caudillo. Nouvelle alerte à Madrid, le général Franco a encore été victime d'une hémorragie gastrique. Cette nuit, plusieurs personnalités de son entourage ont été appelées aussitôt à son chevet. Españoles, Franco a muerto. Les obsèques du caudillo, des images pour l'histoire. Avec cette foule immense sur les trottoirs de Madrid, ce cortège solennel encadré par les lanciers à cheval, et puis la tombe dans la vallée des morts. À 14h11 dans la basilique de Santa Cruz de los Caídos, la tombe de Franco était refermée. C'est une heure que retiendra l'histoire. Le maître du franquisme avait disparu. Merci à Père Elegras pour avoir mixé toutes ces archives. Charlotte Worms, vous réagissiez à chaque archive, hein, parce que c'est quand même une grande partie de l'histoire d'Espagne que l'on vient d'entendre de 1936 à la mort de Franco en 1975. 1975, Franco est enterré dans son mausolée, qu'il a construit depuis d'ailleurs très longtemps. Il y est, et a priori, rien ne doit se passer, rien ne doit changer, il a trouvé sa place. Alors, quand même, réaction aux archives, en effet, qui raconte 40 ans, parce que c'était quand même une dictature qui dure 40 ans, et c'est une de ses caractéristiques importantes, parce qu'en 40 ans, elle va évoluer. La question, alors, le mausolée n'a pas été construit pour accueillir la dépouille de Franco. Le mausolée lui-même, qui est la construction du mausolée, enfin, de ce bâtiment, dure une vingtaine d'années. C'est d'abord un mémorial gigantesque à la gloire de la victoire des franquistes pendant la croisade. Donc c'est un monument très militaire, hein. C'est très présent, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais dans le programme iconographique. Ah mais on peut le dire tout de suite, c'est vrai que c'est un bâtiment impressionnant avec cette croix qui plus de 150 mètres de haut, qui surgit dans un paysage absolument spectaculaire, au milieu d'une forêt qui a d'ailleurs été replantée sous le franquisme. Sa première fonction, c'est ça. Et puis, quand elle est inaugurée 20 ans après, on est à un moment, donc le régime a déjà 20 ans, et il évolue et notamment son propre récit historique évolue, et ça devient il arrive à devenir cette dictature presque respectable qui fait rentrer les Espagnols dans la société de consommation, etc., etc. Et du coup, au moment de l'inauguration, ça va devenir un mausolée et un mémorial à la mémoire de tous les morts de la guerre civile. Donc on va faire venir la dépouille de Diego Rivera déjà. Ouais, José Antonio comment de le qui est dans la Calle de los Caídos. Alors José Antonio Primo de Rivera, c'est le premier. Donc c'est un mémorial à la mémoire de tous les morts. Théoriquement, donc, pas théoriquement, du point de vue du régime. Et le premier qu'on va enterrer, c'est le premier caído, c'est-à-dire tombé au combat, qui est José Antonio Primo de Rivera, qui est le fils du dictateur des années 20, le fondateur de la Falange, qui est le parti que va un peu récupérer Franco, parce que José Antonio Primo de Rivera est opportunément mort au tout début de la guerre civile, pour en faire son parti unique. Et du coup, ce José Antonio qui est mort dès l'été 36, fusillé à Alicante, c'est le premier martyr, c'est le premier héros. Et donc, on peut peut-être raconter brièvement cette histoire, parce que ça dit quelque chose de la relation séculaire de l'Espagne, liée justement à la guerre civile et au franquisme, à la dépouille de ses morts. C'est que la dépouille de José Antonio Primo de Rivera va être déterrée, renterrée trois fois. Donc, il va connaître deux, ce qui est quand même assez particulier, puisqu'il est fusillé et il est inhumé dans une fosse commune au milieu de la prison dans laquelle il a été fusillé à Alicante. Puis deux ans plus tard, toujours pendant la guerre, on le déplace dans le cimetière du lieu. Et puis immédiatement après la guerre, puisque Franco s'appuie sur ce parti pour construire une idéologie et construire son régime, il va organiser l'exhumation et la réinhumation de José Antonio Primo de Rivera dans le palais de monastère de l'Escorial, ce qui signifie inscrire son régime dans la continuité du siècle d'or espagnol et de l'Escorial, c'est la nécropole des rois d'Espagne. C'est la nécropole des rois d'Espagne à partir de Charles Quint. Philippe II, donc construit par Philippe II, et c'est un monument majeur. Donc il le ce qui n'est pas tout à fait anodin, le corps de José Antonio va être porté par des phalangistes à bras d'homme et promené donc va traverser l'Espagne d'Alicante, qui est sur la côte est orientale, jusqu'à Madrid, et tout ça va être filmé, montré aux actualités cinématographiques, etc., etc. Quand le monument est inauguré en 59, précisément pour l'anniversaire du jour de la victoire, on va exhumer et réinhumer ce José Antonio Primo de Rivera depuis l'Escorial au bâtiment de la Valle de los Caídos, qui se trouve à 10 km dans la même commune que le monastère de San Lorenzo de l'Escorial. Et puis après, on amène, semble-t-il, plus de 30 000 dépouilles qu'on ramasse dans les fosses communes, hein, concrètement. Donc il y a des républicains aussi. Il y a des républicains aussi. Donc c'est ce qui a suscité une demande des familles portée par le juge Garçon, hein, comme beaucoup d'autres, pour obtenir leurs dépouilles. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de dépouilles qui sont absolument pas identifiables. C'est compliqué ce lieu parce que nous voyons la politique cadavérique de Franco, ouais, qui veut réunir un peu tout le monde dans un délire de réconciliation. On enterre tous les morts, quel que soit le camp auquel ils appartenaient. Et puis lui-même est enterré en 1975. À sa mort, il est mis ici. Et aujourd'hui, cette décision de la Cour suprême, qui en fait dit aux descendants, non, Franco va quitter ce lieu. Parce que c'est ça, le combat qui a duré longtemps, c'était que le gouvernement espagnol voulait enlever Franco de là, ouais, et les descendants s'y opposaient. Maintenant, on va enlever Franco symboliquement. Ça va changer quelque chose, que le lieu reste encore marqué. C'est pour éviter, en fait, les commémorations des nostalgiques de la dictature. Alors, il y a deux points. Effectivement, tous les 20 novembre, qui est la date anniversaire de la mort, d'ailleurs aussi de José Antonio Primo de Rivera, et celle de Franco, c'était un lieu de réunion donc de néo-franquistes, ou d'ailleurs anciens franquistes. Donc, il faut éviter ça. Et l'idée, c'est que peut-être comme ça, on va pouvoir resignifier, resymboliser ce lieu et en faire un vrai lieu de réconciliation. Ce sur quoi on peut avoir d'ailleurs des réserves, c'est mon point de vue. Comment un monument dont toute l'iconographie, toute la symbolique symbolise ce régime pourrait-il devenir un monument consensuel aux morts? Cette croix, ça doit poser des problèmes quand même. C'est une partie de la mémoire républicaine. Et puis une pad, oui, absolument. Mais il aurait peut-être fallu quand même dire un mot, je ne sais pas si on a encore le temps. Allez-y vite. Très vite. La question, c'est pourquoi il est encore là? Pourquoi on ne l'a pas enlevé avant? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un monument aussi énorme? C'est comme le palais du peuple de Bucarest, c'est très compliqué, hein, parce que le détruire, ça coûte cher, le maintenir, ça coûte cher, etc. Ça, c'est encore une autre question. Mais pourquoi Franco est-il encore là? À cause de la manière dont la transition s'est faite, faut peut-être quand même le rappeler, à savoir dans maintenant la fiction d'une continuité des institutions franquistes sans rupture avec cette dictature. C'est ça la question majeure, c'est ils ont fait le choix de l'oubli et non pas de régler les problèmes. Et aujourd'hui, ça ressurgit. Absolument. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait le choix de l'oubli, mais ils ont fait le choix à ce moment-là pour diverses raisons. D'abord, le fait qu'il est mort dans son lit, et aussi le fait qu'il y avait ce spectre de la guerre civile qui agissait comme un spectre dans le débat public et dans le débat politique. On a choisi de ne pas régler les comptes du passé, mais de construire l'avenir. Et les morts sortent des placards depuis la fin des années 90. Donc, la décision de la Cour suprême espagnole est une étape pour essayer de régler ces questions passées. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté, Charlotte Worms, sur cette question. Il est 9h53 sur France Culture. C'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Alors aujourd'hui, Anaïs, bonjour déjà. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous allez tisser des liens entre les historiens et le niveau des océans. Absolument. Le rapport sur les océans des scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le désormais familier GIEC, bien plus rapide, vient d'être publié. Vous vous y attendez, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les scientifiques de l'ONU nous mettent en alerte, données à l'appui, sur l'accélération de la montée des eaux et des risques liés au changement climatique. Les villes côtières prennent acte depuis quelques années maintenant de ces dangers extrêmes et l'une d'entre elles, New York, a commandé un plan de construction de digues de verdure pour lutter contre le danger le plus imminent, la montée subite des eaux liées aux tempêtes et aux ouragans. Une réflexion engagée depuis l'expérience douloureuse de l'ouragan Sandy en 2012. À New York, c'est une réalité difficile à ignorer. L'eau a toujours fait partie de l'histoire de la ville. Pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde ici se souvient encore des ravages causés par l'ouragan Sandy. Le cœur financier de la ville n'a pas été épargné. L'eau s'est invitée jusque dans le métro. Alors qu'à New York, on entasse des sacs de sable au sud de Manhattan sous les quolibets des mauvaises langues, le rapport du GIEC saisit d'effroi les climatos non sceptiques. Alors l'histoire peut-elle quelque chose dans cette affaire? Eh bien oui. Un groupe d'ingénieurs, d'historiens, d'archivistes et de citoyens concernés, l'ont démontré. Si New York a connu Sandy, attention, je traverse l'Atlantique à très grande vitesse, les côtes charentaises ont connu la tempête Xynthia. Rappelez-vous, c'était en février 2010. En Vendée, une digue a cédé sur la petite commune de L'Aiguillon-sur-Mer. L'eau s'engouffre dans les rues, les maisons, les habitants sont surpris dans leur sommeil. Certains doivent la vie aux secouristes, d'autres à un bon réflexe. On est sorti par la fenêtre et on a nagé jusqu'à chez les voisins. Et là, tous les meubles flottaient. C'est monté très vite, très très vite, très très très très vite. En l'espace de quoi, un quart d'heure. C'était incroyable. Au matin, la mer est partout. Comme vous l'entendez, la tempête prend de court les communes du littoral charentais. Sidérés, les habitants et les médias invoquent la Bible et le réchauffement climatique pour trouver une explication à cette catastrophe qu'on pense sans précédent. Frédéric Surville, du groupe de recherche Submersion, s'agace et déroule une longue liste d'événements climatiques extrêmes comparables dans les zones sinistrées par Xynthia. Oui, la liste est vertigineuse. Hein. 1788, 1924, 1935, 1941, 1944, les inondations côtières étaient vraiment monnaie courante. Les membres du groupe de recherche Submersion rassemblent toutes les données météorologiques disponibles depuis le XVIIIe siècle et parcourent les journaux, les mémoires, les récits intimes qui font état d'expériences similaires. Sans relativer l'importance du réchauffement climatique, il démontre que la piste remonte jusqu'au petit âge glaciaire. Surprise donc, les submersions de leur série ne sont pas mécaniquement liées au réchauffement de la planète, mais ce cadre d'interprétation répondait tellement bien aux inquiétudes naissantes liées à la crise climatique que celle-ci l'avait absorbée dans la confusion et l'incompréhension du moment. C'est bien l'oblitération d'une certaine mémoire collective que l'on pouvait incriminer. Cette amnésie s'explique en partie. Les submersions du littoral atlantique se sont interrompues de la fin des années 50 jusqu'au début de notre siècle. Et la dernière catastrophe du genre, c'était en 1957, n'a fait aucune victime si ce n'est quelques moutons. Pourquoi ? Parce que les zones inondables par Xynthia n'étaient pas habitées et ça n'était pas le fruit du hasard. Alors que les villages anciens étaient bâtis à 2 ou 3 km du littoral dans les années 80-90, avant les années 80-90, à ce moment-là, on multiplie la construction de lotissements les pieds dans l'eau, une jolie proximité qui enterre la mémoire des risques, une vision idyllique du balnéaire qui a enterré la peur quotidienne domestiquée des habitants côtiers et avec elle des systèmes de vigilance et d'alerte qui avaient fait leurs preuves. Ce rapport d'enquête du groupe Submersion, dirigé par l'historien Emmanuel Garnier, est en accès libre sur le net. Oui, bah vous pouvez le consulter via la page du journal de l'Histoire sur le site franceculture.fr. Merci Anaïs. Merci Anaïs et merci à nos invités Serge Berchtein, Valérie Hanin, Pascal Ry, de nous avoir parlé de Jacques Chirac. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Astokan Viudès, Camille André, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet franceculture.fr ou en podcast.